connais l'heure bleue ? L'heure bleue ? En fait, c'est pas une heure, c'est une minute. Juste avant l'aube, il y a une minute de silence.